sais, je les ai rencontrés. Comme Christopher Lee, ils ont les canines aiguisées. C'est le mec qui un jour te demande un service. Deux jours après, il te fait un coup de vis. L'ami qui te dit, je raccompagnerai ta meuf. Et dès que t'as le dos tourné, lui glisse une main au seuf. Ton collègue de bureau qui fait de la lèche à ton patron. Ton poste pour lui est synonyme de promotion. Ta femme qui te trompe, et juste pour le faire chier, demande la garde des enfants et une mensualité. Ton frère qui te parle plus te traite comme un étranger. De la maison de ta mère, il veut être l'héritier. Les rentiers, les huissiers qui veulent te faire payer les impôts chaque année qui ont du mal à passer. Le mec à qui tu passes ta pompe pour taguer. Et dès que t'as le dos tourné, on profite pour te toyer. L'ami en qui tu mets toute ta confiance, qui te fout dans la merde avec de l'arrogance. Les mecs à qui tu donnes une cigarette et qui ensuite repartent avec tes fringues et ta casquette. Ils sont partout, je les ai rencontrés. Je me cache la nuit et je chasse la journée. Méfie-toi, ils attaquent toujours dans le dos. C'est dans l'obscurité qu'ils aiguisent leur croc. Et si je suis encore capable de sourire, c'est que la vie a fait de moi un chasseur de vampires. Méfie-toi, ils attaquent toujours dans le dos. C'est dans l'obscurité qu'ils aiguisent leur croc. Et si je suis encore capable de sourire, c'est que la vie a fait de moi un chasseur de vampires. Je crois pas, ce mec faisait partie de mes amis. Depuis, il grossit le rang de mes ennemis. Le slave me regarde, me dit écho, qu'est-ce t'en dis. T'inquiète pas, dès qu'il fera jour, on s'occupera de lui. Chant du coq, on entre dans la crypte, ça sent le soufre, je suffoque. La peur me prend en triple, en plus vieux argenté. Et sabre aiguisé autour du cou, costaille, code de maille au travail. Cible repérée, équipement complet. 1, 2, 3, 4, plus nombreux que je croyais. Mais c'est un lit, et merde, ils sont tous réveillés. Le sang gicle des têtes pompes. Je défonce le fort, j'ai pris une chips et des catombes. Putain, quelle force, et tiens que sur ce coup, j'ai failli rester. Et tiens que cette bestiole m'avait juste effleuré. Je suis sonné, je réagis, je défonce un volet. La lumière entre, il hurle, il se met à cramer. Méfie-toi, ils attaquent toujours dans le dos. C'est dans l'obscurité qu'ils aiguisent leur croc. Et si je suis encore capable de sourire, c'est que la vie a fait de moi un chasseur de vampires. Méfie-toi, ils attaquent toujours dans le dos. C'est dans l'obscurité qu'ils aiguisent leur croc. Et si je suis encore capable de sourire, c'est que la vie a fait de moi un chasseur de vampires. Mon entourage, un film de vampires. Les mecs se croquent dans le cou en lâchant de sale rire. Ils t'ouvrent la porte souriant comme Dracula. Dans le gîte et le couvert, mais à table ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Non, bizarre cet homme là. Votre chambre est en haut, vous êtes ici. Chez vous la suite, tout le monde la connaît. Mon gars, protège ton cou. Y'a ceux qui m'ont volé toutes mes opportunités. Écho trop bavard, écho vampirisé. Ceux qui sont venus chez moi, qui m'ont cambriolé. J'étais pas assez méfiant, écho vampirisé. Ceux qui m'ont toujours dit je vais te rembourser. J'étais trop généreux, écho vampirisé. Et puis à toi, toi, toi et tous les autres, je vous ai pas oublié, mais vampirisé. Mais ça y est maintenant, je suis vacciné, je n'ai plus peur. Mon gros finira pas comme vos vampires de Carpenter. 1, 2, 3, 4, plus nombreux que je croyais. Je me cache la nuit et je chasse la journée. Méfie-toi, ils attaquent toujours dans le dos. C'est dans l'obscurité qu'ils aiguisent leur croc. Et si je suis encore capable de sourire, c'est que la vie a fait de moi un chasseur de vampires. Méfie-toi, ils attaquent toujours dans le dos. C'est dans l'obscurité qu'ils aiguisent leur croc. Et si je suis encore capable de sourire, c'est que la vie a fait de moi un chasseur de vampires.